si longtemps que j'attends que tu viennes. Comme un enfant attendant son cadeau le soir de Noël. En un regard, toi et moi, nous sommes tombés. Qui aurait cru que depuis ce jour-là, on se serait plus quittés? Car moi je t'aime pour toujours. Oui, moi je t'aime, mon amour. Depuis que tu es dans ma vie, je ne pense qu'à toi. Tu es le seul qui me suffit, tu fais partie de moi. Peu importe si on ne vit pas toujours de bons moments. Ce qui compte aujourd'hui, c'est l'instant présent. Car moi je t'aime pour toujours. Oui, moi je t'aime. Oh oui, je t'aime.